بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وسداده nous avoir facilité de pouvoir inshallah تبارك وتعالى réviser, étudier et de lire ce livre, ce noble livre qu'a écrit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab al-Mufrad, qui est un livre qui est très important parce qu'il traite un sujet qui est super important, qui est le comportement. Celui dont Allah azzawajal a loué et a évoqué en bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Tu as un comportement qui est vraiment énorme. L'insan, il se doit de suivre le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est son exemple, c'est sa qudwa, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. On se doit de connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de savoir comment il se comportait avec Allah, avec ses épouses, avec ses enfants, avec ses voisins, yani avec l'étranger, avec ceux qui sont de sa famille et l'akhiri. Ça, c'est des choses qu'on se doit de connaître et qui sont super importantes, qui sont aussi importantes que tawhid. Parce que c'est des choses dont on est amené à être confronté tous les jours. T'as des voisins, t'as des enfants, t'as une famille. Donc tu te dois d'avoir le comportement qui est digne. Wa qala an-nabi sallam wa ati kulli ladhi haqqin haqqahu. Et donne le droit à toute personne qui en a. Toute personne qui a un droit, tu dois lui donner son droit. Ce kitab-là, il parle yani, en particulier du droit yani, avec les humains. Parce que al-adab, il y a l'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala, le comportement qu'on doit avoir avec Allah azza wa jal, yani fi asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wa rububiyatihi. Ça c'est un adab que tu dois avoir. At-tawhid c'est l'adab. Il n'y a pas de comportement sans tawhid. Celui qui est bon envers ses voisins, qui est bon envers ses enfants, lakin yushrik ma Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça que c'est muhim de comprendre ça. Certains ils se disent, oh, il a un super comportement. Et cette personne-là, مثلاً, c'est min ahl al-tasawwuf, un soufi qui appelle à adorer les autres qu'Allah Azza wa Jal, mais qui est bon envers ses voisins, qui est bon envers les autres, super poli, ceci, cela. Mais il ne donne pas le haq d'Allah Azza wa Jal. Et tu vois une personne qui est mouhid, lakin, qui a un soua adab, qui a un mauvais comportement. Et tu dis, celui-là, il n'a pas de comportement. Si, il a le comportement qui est tawhid. C'est la base du comportement. C'est pour ça que certains des musulmans, des fois, ils se laissent avoir, tu vois. Parce qu'on peut voir certains des comportements, parce que le Nabi Sassam, il dit, j'ai été envoyé afin de compléter, tu vois, les bons comportements. Donc l'islam, il vient pour compléter des bons comportements qui existaient déjà. Donc tu vas trouver des bons comportements qui sont conformes à l'islam chez les koufars. Lakin, est-ce que ça fait d'eux des personnes qui se comportent bien? Là, ils n'ont pas le comportement. Le vrai comportement, asluhu, c'est tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas d'adab. Bila adab, il n'a pas de comportement. Ça, c'est lorsque certains ils s'égarent et disent, ouais, tu vois, certains musulmans, quand tu les compares à certains koufars, tu vois que les koufars ont plus de adab que le musulman. Ça, c'est une kalimat qui est khabitha jiddan. Tu vas dire, naham, cette personne-là, مثلاً, il est beaucoup plus poli, ce kafir, il est beaucoup plus poli que le musulman par rapport à ce comportement-là. Mais la kine de faire une généralité, même si jamais il n'a pas voulu à travers cela dire par rapport au tawhid que ce n'est pas un comportement, la kine, il ne faut pas oublier la base du comportement qui est tawhid. C'est la base de toute chose. Il y a l'adab ma Allah, il y a l'adab ma Rasul, le fait de le suivre, le fait de lui obéir, le fait de ne pas désobéir, le fait de croire en tout ce qu'il a informé. Tout ça, ça fait partie du adab ma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va beaucoup plus évoquer par le fait qu'il y a l'adab ma le comportement envers les parents, le comportement envers les voisins, le comportement envers les orphelins, le comportement envers les femmes, le comportement envers les animaux, et surtout avec le serpent, tu vas voir que l'islam, subhanallah, c'est une religion de douceur. C'est un kitab qui est azim jiddan. Il a une place dans l'islam qui est haute, parce qu'il parle d'un sujet qui est vraiment haut. Donc là, vite fait, on va prendre, Inch'Allah, avant de rentrer dans le hadith, et tu pourras prendre, Inch'Allah, un peu de l'avance pour apprendre le hadith. On va déjà évoquer qu'est-ce que le comportement. On va évoquer un peu ces choses-là. avant de commencer, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Kazalika, le degré du comportement dans l'islam, sa place dans l'islam, c'est important, Inch'Allah. Et avant toute chose, al-adab al-mufarad, comme certains l'ont traduit, c'est pas le véritable comportement. Même si jamais, ce qui est évoqué ici, c'est le véritable comportement. Ça, c'est clair, net et précis. Lakin, la traduction de al-adab al-mufarad, c'est pas ça. Al-adab, c'est le comportement. Al-mufarad, c'est-à-dire, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a isolé les hadiths et les athars qui sont relatifs au comportement dans ce livre-là. C'est-à-dire, c'est un livre qui ne traite que du comportement. C'est ça ce qu'ils avaient dit. Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre dans lequel a été isolé les hadiths et les athars qu'a mémorisé l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et qui nous a transmis. C'est ça la définition du titre. Et c'est pas comme certains l'ont dit, le véritable comportement. Ça veut pas dire cela. Parce qu'une personne qui comprend pas l'arabe va penser que al-Mufrad, ça veut dire véritablement. Non, c'est pas ça, ce qu'il voulait ici. Parce que l'imam al-Bukhari, dans Al-Jami' al-Sahih, dans le kitab al-Sahih al-Bukhari, il est évoqué. Le comportement, chapitre du comportement. Lakin, est-ce que Sahih al-Bukhari, c'est un livre qui ne parle que du comportement? Non, il y a des choses dans lesquelles qui est en dehors du comportement. Fahawana, il ne traite que du comportement, ça veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Falouratan, al-adab, c'est un mot qui a pour sens de réunir. Tajmi'u al-nas. Yusamoun al-da'i, celui qui appelle les gens à se réunir, il appelle hada shakhs adib. Al-Adib, c'est celui qui est da'i, c'est-à-dire celui qui appelle les gens à se regrouper. Al-Adab, c'est une da'wa ila tajmi'a, lughatan. Et certains ont dit que l'Adab, le comportement a été appelé Al-Adab, yannahu da'in ila al-mahamid wa nahin an al-maqabih. Comme l'a dit Ibn Munzir, rahimahullah, celui qui a, comment s'appelle, l'islam al-harab. L'Adab, il a été appelé Adab parce qu'il appelle à réunir les bons aspects. Donc, il y a l'asr de l'adab, c'est quoi? C'est da'wa, c'est l'appel. L'appel à réunir une chose. Wa jam'uhu adab. Ensuite, au niveau de la religion, le sens religieux, fakhtalafu fi. Al-Jurjani, rahimahullah, qui est connu pour. Il a un kitab qui s'appelle At-Tahrifat, les définitions, dans lequel il a évoqué la définition de beaucoup de choses. Et il a évoqué la définition de adab, Sharhan, il a dit que c'est. C'est la chose par laquelle il va se préserver des erreurs, des mauvais comportements. Certains ont dit Al-Adab, c'est Al-Akhdh bi makarim al-akhlaq. C'est le fait de prendre les bons aspects. Ensuite, comme on a pu évoquer, Anwa' al-Adab, donc il se divise en trois: Adabun ma'a Allah, Adabun ma'a Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa Adabun ma'a al-Khalq. On va citer que certains des hadiths qui montrent yani par le fait que le statut du adab yani fi shar' qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam comme عند الامام الترمذي من حديث ابي هريره انه قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. Le meilleur d'entre vous en foi sera celui qui aura le meilleur comportement. Donc ça montre que le comportement, c'est important. Ça augmente la foi et ça l'élève énormément. فَقَالَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ. Les mu'mines les plus parfaits sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Le meilleur des comportements, et comme on a dit, c'est-à-dire avec une base, la base de l'iman, avec une base qui est la base de l'aqida, avec une base qui est s'écarter des bid'a. مُبْتَدِعَ ضَالُ الْمُضِلِ, qui appelle à fêter l'anniversaire du prophète, عليه السلام, qui appelle à fêter l'événement de Al-Isra wa Al-Mahraj, et qui est super poli, qui a le meilleur des comportements avec son voisin, celui-là, il a qadil al-adab. Parce qu'il n'a pas respecté le premier des, ou plutôt le deuxième des comportements, qui est quoi? Le comportement en ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le suivre dans ce qu'il faisait aider de s'écarter de ce qu'il s'écartait. Et de ne pas faire les choses qu'il a délaissées. Parce que celui-là, il est qadil al-adab. Parce que le comportement, le deuxième, le comportement le plus important dans l'islam, c'est celui avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il ne l'a pas. Et lui, il n'a pas. Donc celui-là, il est qalil al-adab. Qalil al-adab, jiddan. C'est lorsqu'on dit le meilleur des mu'min, les plus parfaits parmi vous dans la foi, sont ceux qui ont les meilleurs de comportement. C'est-à-dire, on a réuni les trois comportements. Comportement ma'a Allah, le comportement ma'a Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ou le comportement ma'a al-khalq, avec la créature. Qadalika, qala al-Nabiyyu, sallallahu alayhi wa sallam, ana daminun bi baytin fi a'la al-janna liman hasana khuluquh. لمن حسن خلقه. Et je garantis une maison dans les plus hautes demeures du paradis pour celui qui aura un très bon comportement. Wahawana, liman hasana khuluquhu, ou si jamais je me rappelle, hasana khuluquhu. C'est-à-dire soit celui qui a un bon comportement ou celui qui s'est évertué à avoir un bon comportement. Parce que certains avant de rentrer dans l'islam, ils avaient un mauvais comportement avec l'islam, il s'est amélioré. Et certains, ils sont de nature, ils ont un super comportement. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. Il y a pas une œuvre dans la balance qui a un poids tel que le bon comportement. Donc ça montre que c'est une hasana qui est azima et qui va peser يوم القيامة. Donc ça suffit pas d'avoir l'aqida, d'avoir une bonne aqida et d'avoir un bon manhaj, lakin t'as un comportement yani qui est abominable. T'es un virus yani dans la société par rapport à ton comportement, à ta manière d'être avec les autres. Ça, c'est grave. Et kadalika, certains athar de salaf, comme Abdallah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, qui a dit نحن الآن أو اليوم إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. On a beaucoup plus besoin à notre époque, et là il parlait, Ibn Mubarak, c'est 181, je crois, il est mort, en 180, donc il y en a le deuxième siècle. فقال نحن إلى قليل الأدب, on a beaucoup plus besoin d'un petit peu de comportement que beaucoup de science, c'est-à-dire de science sans al-amal, de connaître et de ne pas œuvrer. On se doit, ça montre que les deux yani, sont inséparables. La science sans comportement, c'est chaîne à l'insan, c'est abominable, c'est atroce. T'as la science, lakin t'as pas le comportement. C'est quelqu'un qui a du ilm et qui est avec son voisin yani le pire des virus. Ça va le descendre. Ils vont dire, monsieur là, franchement, à quoi sert sa science? Malgré que c'est quelqu'un qui va yufid, il va faire profiter les gens qui sont autour de lui. Lakin, subhanallah, il ne profite pas lui-même, en sens où il a un mauvais comportement envers les autres. Enfin, c'est deux choses qui ne sont pas dissociables. Le ilm et le bon comportement. Il a voulu, Bartlofik, inciter à œuvrer beaucoup de la science. Comme certains ont dit, ya ahl al-ilm, addu zakat al-ilm. Il n'y a pas de comportement sans science, parce que il y a des choses dans lesquelles l'insan il a du bil ali. Lakin, comment il sait si jamais c'est un bon comportement? Il doit savoir. Il y a des choses, c'est le motavir ali. Le fait de ne pas mentir, ceci, cela. Lakin, il y a des choses que peut-être il fait, il ne sait pas si jamais il fait partie du bon comportement. Donc ça demande d'avoir la science. Et la science appelle au bon comportement. Demain, Inch'Allah, on va prendre, pareil, c'est une chose que l'Abu Damin, on doit parler de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, on ne peut pas rentrer dans son livre sans demander la permission, sans prendre au moins sa tarjama de manière concise, parce que subhanallah, yani, c'est quelqu'un vraiment. C'était quelqu'un d'azim jiddan. Donc, Inch'Allah, demain, on va prendre un mukhtasar de la tarjama de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala.